الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الفريضة ولا حول ولا قوة إلا بالله Donc on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on le remercie pour ses nombreux bienfaits. Et parmi les plus grands bienfaits qu'il nous a donné, après le bienfait de l'islam, le bienfait de la foi, le bienfait de la sunnah, cette prière qu'il nous a rendue obligatoire 5 fois par jour. Et le fait de réussir à accomplir cette prière est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta personne. Tu n'as pas réussi à accomplir cette prière parce que tu étais plus fort ou plus intelligent qu'un autre. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a facilité. Et le sujet qu'on va traiter, étant donné que nous sommes dans le mois, ce mois béni, le mois de Ramadan, est les règles, ou bien certaines règles concernant le jeûne du mois de Ramadan. Awalan, as-siyamu ما هو تعريفه في اللغة والإمساك يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا معنى الإمساك في هذه الآية الإمساك عن الكلام قرينة متصلة في هذه الآية فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فالصيام لغة هو الإمساك مطلق الإمساك donc الصيام le jeûne dans la langue arabe signifie la retenue, l'abstention. Allah dit dans le Coran dit donc j'ai fait le vœu au tout miséricordieux de jeûner. Je ne parlerai donc à aucun être humain. Ici, on a utilisé le mot siyam, le mot jeûne, pour dire l'abstention de parole, la retenue de parler. Et les Arabes disent saam al-ibid, lorsqu'ils s'arrêtent. Parce que siyam, dans la langue arabe, c'est la retenue, c'est l'abstention. Celui qui s'arrête de manger, on dit saam. Celui qui s'arrête de marcher, on dit saam. Et ainsi de suite. Donc, dans la langue arabe, Al-Siyam, c'est la retenue. C'est le fait de s'empêcher de faire une chose. Dans la religion, Al-Sawm, ou bien Al-Siyam, wa ta'abbudu lillah, bil imsak, anil akli wa shurb, wa sa'iri al-mufattirat, min tulu'i al-fajr, al-sadiq, ila ghurub al-shams, ma'aniyya. Dans notre religion, Al-Siyam, c'est une adoration qui consiste à se retenir de toute nourriture, de toute boisson et de l'ensemble des choses qui peuvent annuler notre jeûne, et cela de l'aube, c'est-à-dire de l'fajr, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire jusqu'au maghrib, jusqu'à la prière du maghrib. Et cela doit être avec une attention précise, c'est-à-dire tu dois définir ton intention et la déterminer. Quelle est cette intention-là? Les jeûnes sont de plusieurs sortes. Il y a des jeûnes surrogatoires, il y en a d'autres qui sont obligatoires. Donc toi, l'intention que tu mets, c'est de jeûner un jeûne obligatoire. Et aussi les obligations sont de plusieurs types. Donc toi tu dois mettre l'intention que c'est un jeûne obligatoire et c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et que c'est le jeûne du mois de Ramadan. Tu dois avoir cette intention là. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man lam yubayyit an-niyya min al-layl fala sawma lah. Celui qui ne met pas l'intention dans la nuit n'aura pas de jeûne. C'est-à-dire avant l'entrée du premier jour de Ramadan, tu dois avoir mis l'intention que tu vas jeûner un jeûne obligatoire. Quel est ce jeûne? C'est le jeûne du mois de Ramadan. C'est le jeûne du mois de Ramadan. Wa min hadha at-ta'rif nastafid ruknay as-siyam. Et de cette définition-là, on tire les deux piliers du jeûne. الركن الأول الإمساك والثاني النية. Le jeûne a deux piliers. Le jeûne a deux piliers. Le premier pilier, c'est la retenue, le fait de s'abstenir, de boire, de manger et de tout ce qui peut annuler notre jeûne. Le deuxième pilier, c'est النية, c'est l'intention. C'est l'intention. Celui qui s'abstient de manger et de boire, par exemple, du Fajr jusqu'au Maghrib. Mais son intention c'est quoi lui? C'est pour maigrir. C'est pour maigrir. Est-ce qu'il aura, son jeûne il sera compté ou pas? Il sera pas compté. Parce que son intention, lui, c'est pas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de maigrir. Ou bien quelqu'un il a pas trouvé à manger aujourd'hui, il a pas mangé du Fajr jusqu'au Maghrib. Mais il avait pas l'intention de jeûner Ramadan. Aussi lui il a pas de récompense. Ou celui qui jeûne par habitude. Il jeûne par habitude. Pas ta'abboudan lillah subhanahu wa ta'ala, pas pour adorer Allah, mais par habitude. Tout ça, tout cela n'ont pas jeûné le mois de Ramadan comme il plaisait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois te retenir de manger, de boire et de tout ce qui peut annuler ton jeûne, mais tu dois avoir l'intention avec cela de te rapprocher d'Allah et l'intention que c'est le jeûne, na'am, du mois de Ramadan. C'est le jeûne du mois de Ramadan. طيب ثم بعد ذلك اعلموا أن شروط وجوب الحج الصيام شهر رمضان طيب ستة طيب شروط وجوب صيام شهر رمضان ستة. Après cela, sachez que les conditions de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan sont nombre de 6. On sait tous que jeûner le mois de Ramadan est une obligation. طيب طيب le fait de jeûner le mois de Ramadan c'est une obligation, mais est-ce que c'est obligatoire pour tout le monde, homme, femme, quel que soit l'âge, ou est-ce qu'il y a des conditions qui vont faire que telle personne est obligée de jeûner et telle personne n'est pas obligée de jeûner? Donc il y a des conditions. Lorsque ces conditions sont réunies sur une personne, il est obligé de jeûner le mois de Ramadan. Il est obligé de jeûner le mois de Ramadan. Al-shartul awwal al-islam. La première condition c'est l'islam. La première condition c'est l'islam. Il faut être musulman. Al-kafir, celui qui est mécréant, celui qui n'est pas musulman, on ne lui demande pas de jeûner. On lui demande pas de jeûner. Et si jeûne, sawmu batil, son jeûne il n'est pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kafir, on l'appelle d'abord à l'islam. S'il rentre dans l'islam, à ce moment-là, on lui dit t'es obligé de jeûner. Mais sinon, avant, on n'est pas obligé de jeûner. Dans le sens qu'il lui demande à lui, c'est l'islam. Et s'il jeûne, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la sincérité. Il n'a pas les bases. Donc on lui demande d'abord l'islam. Et lorsqu'il rentre dans l'islam, à ce moment-là, on lui dit tu dois jeûner. À ce moment-là, on lui dit tu dois jeûner. Et s'il jeûne sans être musulman, c'est pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa qabla dhalik hukm as-siyam. Avant cela, le jugement du jeûne. Quel est le jugement religieux du jeûne du mois de Ramadan? Huwa wajib fardu ayn. Fardu ayn. Bidalil al-Qur'an, dalil sunnah wal ijma'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu." وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا قول الله سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Quel est le jugement du jeûne du mois de Ramadan? C'est une obligation. C'est une obligation pour chaque musulman qui rentre dans les conditions. Et les conditions, on va les voir dans quelques secondes, inshallah. Donc, Allah dit dans le Coran, celui qui témoigne de ce mois, qu'il le jeûne. C'est un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, ô vous qui avez cru, on vous a enjoint le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne, tout comme on l'avait ordonné aux gens avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Et le prophète sallam nous dit, l'islam repose sur cinq choses. Et la dernière chose qu'il a citée dans ce hadith, le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan. وفي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام أو من صيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان. قال علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع شيئا. متفق عليه. Un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, informe-moi ce qui m'est obligatoire comme jeûne par Allah, ce qui m'a été rendu obligatoire par Allah subhanahu wa ta'ala comme jour de jeûne à jeûner. Il lui a dit le mois de Ramadan. Ensuite l'homme a demandé, est-ce que je dois faire plus? Est-ce qu'il y a autre chose que cela? Il lui a dit non, sauf si tu veux faire de manière surrogatoire. Donc la chose qui est obligatoire, c'est quoi? C'est Shahr Ramadan. Si toi tu veux ajouter, tu peux rajouter. Mais quelle est l'obligation? Shahr Ramadan. Et ça a une place immense dans notre religion. C'est un pilier de l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan, en plus d'être une obligation, c'est un pilier de l'islam. C'est une des plus grandes adorations. ثم بعد ذلك ما هي شروط وجوب صيام رمضان شهر رمضان؟ قلنا إن شرط الأول الإسلام، والدليل قول الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الله سبحانه وتعالى في القرآن et rien nous a empêché d'accepter leur aumône si ce n'est qu'ils ont mécru en Allah et son messager. De ce verset là les savants ont tiré que les actions de la personne qui n'est pas musulmane sont pas acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. On a avancé ce qu'ils ont fait comme acte et on a rendu tout cela poussière éparpillée. On a rendu tout cela comment? Poussière éparpillée. Car celui qui n'est pas musulman, ses actes sont annulés. Il arrive Yawm al-Qiyamah avec des actes et on va rendre tout cela poussière éparpillée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas unifié Allah d'un culte sincère. Celui qui adore Allah mais avec un autre, Allah ne l'accepte pas de lui. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك في معي غيري تركته وشركه. Allah dit je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait un acte et qui me donne un associé dans cet acte-là, je le délaisse lui et son associé. Ou bien lui et son association. Donc la première condition, c'est être musulman. Ashartu thani al-bulugh. Ashartu thani al-taklif wa ashmal shay'ain. Al-bulugh wa al-aql. La deuxième condition, c'est quoi? C'est la puberté. Donc, l'enfant n'est pas obligé de jeûner. Et s'il délaisse le jeûne, il n'a pas de péché. Mais il convient de l'habituer depuis son plus jeune âge à jeûner. Ta'widan ala al-ibada wa ala fi'l al-khayr. Tayyib. Il convient de, d'habituer l'enfant à jeûner depuis son plus jeune âge. Bichart, un yakdira ala siyam. À une condition, c'est quoi? C'est qu'il ait la capacité de supporter le jeûne. S'il n'a pas la capacité, c'est interdit de lui dire de jeûner. Celui qui ne peut pas supporter, l'enfant qui ne peut pas supporter, hein, on ne doit pas lui dire de jeûner. On ne doit pas lui dire de jeûner. Donc, comme dans le hadith de Anas, il leur disait de jeûner. Et lorsque cela devenait trop dur à la fin de la journée, il leur donnait des jouets pour les faire patienter. Il leur donnait des jouets pour les faire patienter. Donc, il faut habituer les enfants à jeûner. Maintenant, est-ce que cela leur est obligatoire? Non. C'est obligatoire à quel moment? Ida bala. Lorsqu'il est pubère, à ce moment-là, ça devient obligatoire. La troisième condition, est l'aql, la raison. Al-majnun la yajibu alayhi siyam. Voilà. Ghayruhu min al-ibadat. Illa mastuthniya bidalil. Tayyib. Donc, celui qui n'a pas la raison. Donc, la troisième condition, c'est la raison. Celui qui a perdu la raison, celui qui est fou, celui qui est majnoun, n'est pas obligé de jeûner. Et s'il jeûne, c'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la raison. Donc il ne peut pas avoir la niya, il ne peut pas avoir l'intention. Et la niya, l'intention, c'est une condition, c'est un pilier. Naam, c'est un pilier. Comment on va reconnaître une personne qui est pubère? Avec une de trois caractéristiques. On considérera qu'un garçon est devenu pubère s'il a une de ces trois choses-là. Et pour la femme, on va rajouter une quatrième chose. La première chose, itmam khamsata ashara sana. La première chose, compléter 15 ans. Celui qui a 15 ans, qui complète cela, il va passer sur ses 16 ans, il est pubère. Il est obligé de jeûner Ramadan complet. Le mois de Ramadan, entièrement. Mafhoum, celui qui a 15 ans et qui complète cette année-là, là, il devient pubère. Il devient pubère. Thaniyan inbat sha'r al-ana. Deuxièmement, c'est quoi? C'est le fait, c'est l'apparition de poils au pubis, en bas. Celui qui a la poussée de ses poils devient pubère. Devient pubère. Troisièmement, inzal al-mani bishahwa. Troisièmement, c'est quoi? C'est l'écoulement de sperme avec désir. L'écoulement du liquide avec désir. Et quand on dit ces trois choses-là, ça ne veut pas dire qu'il doit réunir ces trois choses, non. Mais s'il a une seule de ces trois choses-là, qu'est-ce qu'on dit? Il est pubère. Il est obligé de jeûner Ramadan entièrement. Et on rajoute une quatrième chose pour les femmes. Maza al-wujud al-hayd. Tayyib al-hayd. Si elle a ses menstrues. Donc la femme, si elle a ses menstrues, ses règles, elle devient pubère. Même si elle a 9 ans ou 10 ans, même si elle est petite, à ce moment-là, elle sera obligée de jeûner. Wa min al-khata. Et parmi les fautes qui sont répandues, c'est une miséricorde mal placée de la part de certains parents qui disent, comme c'est vrai qu'elle est pubère, mais elle est encore petite, alors on va attendre 1 ou 2 ans, ensuite on lui dira de jeûner. Hada khata. Hada khata. أأنتم أعلم أم الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله سبحانه وتعالى il a rattaché la puberté de la femme au menstrue. Est-ce que nous ensuite on va venir, on va dire non, elle est trop petite et on va attendre 1, 2 ou 3 années pour lui ordonner de jeûner? Là Allah subhanahu wa ta'ala il sait mieux, c'est lui qui nous a créé. Allah subhanahu wa ta'ala il est أعلم, il est plus savant, il est أحكم, il est plus sage, il est أرحم بنا. Il est plus doux, plus miséricordieux et a plus de pitié envers nous que nous avons nous-mêmes pour, nous, pour nos propres personnes. Donc si elle est pubère, elle doit jeûner le mois de Ramadan entièrement, quand bien même elle aurait 9 ans ou 10 ans. Tayyib. La personne qui n'a pas la raison, on a dit, elle n'est pas obligée de jeûner. Et là, même la prière, même l'ensemble des adorations tombe. Donc, sauf où il y a une preuve. Comme quoi? Comme les obligations pécuniaires. Comme sortir la zakat, par exemple. Sortir la zakat. Tayyib min ma yadkhul dhimn ahkam al-wad'iyya. Ça, c'est obligé. C'est obligé. Même si elle n'a pas la raison, mais elle a des richesses, celui qui est chargé de son argent devra sortir sa zakat. Par exemple. Tayyib. Wa dalil dhalik, qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, أخرجه البخاري رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la plume a été levée pour trois catégories de personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, et celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc, on voit ici que l'enfant et celui qui n'a pas la raison n'est pas responsable, ne sont pas responsables. Ne sont pas responsables, ils ne sont donc pas obligés de jeûner le mois de Ramadan. Wa shartu alladhi yali al-qudra. La condition suivante, c'est quoi? La capacité. Le fait d'avoir la capacité de jeûner. Wa diddu al-qudra al-ajz wa huwa yanqasimu ila qismayn. وهو ينقسم إلى قسمين عجز يرجى زواله وعجز لا يرجى زواله Donc, la condition suivante c'est quoi? القدرة, la capacité. Le contraire c'est celui qui est incapable. Le contraire c'est l'incapacité. La personne qui est incapable ça se divise en deux. L'incapacité passagère, on espère qu'elle va disparaître cette incapacité. Alors on va pouvoir jeûner ensuite. Et l'incapacité de longue durée. L'incapacité de longue durée. On n'espère pas qu'elle va partir d'ici un an ou deux ou trois ans. Mais c'est un empêchement de longue durée. Incapacité passagère comme quoi par exemple? Celui qui est malade. Ou la femme qui est enceinte. Ou la femme qui allaite. Ça va rester 10 ans, 20 ans, 30 ans ou bien c'est passager? C'est passager. Une incapacité de longue durée comme quoi? Comme quelqu'un qui par exemple a le diabète. D'accord? Est-ce que l'année prochaine, c'est bon, il pourra ne plus prendre ses médicaments, ou bien c'est quelque chose, en général, qui dure très longtemps? C'est quelque chose qui dure très longtemps. Ou une personne qui a une lourde maladie. Ou une personne qui a un problème, qui nécessite des médicaments régulièrement, 3-4 fois par jour. Et c'est une maladie de très longue durée. Donc ça, c'est différent. Ça, c'est un jugement. Celui qui a une incapacité passagère, yuftir wa yaqdi. Celui qui a une incapacité passagère, il ne jeûne pas ce jour-là, mais il rattrapera après le mois de Ramadan, après le Eid. Après le mois de Ramadan, après aussi quoi? Yom al-Eid. Parce qu'on n'a pas le droit de jeûner le jour du Eid. Tu ne peux pas commencer à rattraper les jours passés au Eid, non. Mais le lendemain. Donc, celui qui a une incapacité passagère, qu'est-ce qu'il fait? S'il ne peut pas jeûner, Il ne jeûne pas, car il a une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il devra retenir chacun de ses jours et les rattraper après le mois de Ramadan. Et pour ce faire, il aura 11 mois. C'est-à-dire qu'il devra rattraper ces jours-là avant le Ramadan de l'année suivante. Sauf s'il a eu une incapacité. Donc, ça c'est pour qui? Ça c'est pour celui qui a une incapacité passagère. Rentre dedans la femme enceinte. Et rentre dedans la femme qui allait. Falhamil wal murdi', celle qui est enceinte et celle qui allait. Si elles ont peur pour elles-mêmes, parce qu'elles sont trop faibles si elles jeûnent. Si elles ont peur pour leur santé. Ou si elles ont peur pour leur enfant. Pour le janin qui est dans le ventre, qu'il manque. Taïb. De force et de nourriture, ou bien pour celle qui a lait, si elle a peur de plus avoir de lait, ou plus avoir assez de lait, ou celle qui a peur pour les deux, elle a peur pour elle ou pour son enfant, elle a le droit de rompre son jeûne. Si elle a la capacité de jeûner, elle est obligée de jeûner, mais sinon, elle a le droit de rompre son jeûne si elle a peur pour une de ces trois choses, soit elle, soit son enfant, soit les deux. Elle a le droit de rompre son jeûne, mais. Comme on a expliqué, celui qui a la capacité passagère, qu'est-ce qu'elle devra faire? Elle devra rattraper un nombre de jours égal. Biduni it'am. Juste rattraper un nombre de jours égal. Tayyib. Na'am. Donc, lui, il pourra couper son jeûne, ou elle pourra couper son jeûne, mais elle devra rattraper un nombre de jours égal. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Allah dit dans le Coran, celui qui parmi vous est malade ou en voyage, un nombre de jours égal, c'est-à-dire فَأَفْتَرْ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. هذا هو التقدير. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَأَفْتَرْ فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui qui est malade ou en voyage, puis a rompu son jeûne, devra rattraper un nombre de jours égal. Il convient donc de noter les jours. Parce que certains, beaucoup de personnes, ils oublient. Ils disent, je ne sais plus, est-ce que j'ai 10 jours ou est-ce que j'ai 15 jours. Khata hada, khata. Parce que tu n'as pas noté. Soit tu notes, soit tu sais que tu ne vas pas oublier. Si tu oublies, khat. Yani si tu oublies, tayyib, et que tu n'as pas fait les causes, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu ne vas pas savoir la dette que tu as chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grave. Donc, il convient de noter. Soit sur un calendrier ou autre. Ou bien, si la famille, ton épouse ou autre, tu sais que elle ne va pas oublier, ou bien elle note, à ce moment-là, Inch'Allah, c'est une bonne cause. Voyez, celui qui n'a pas la capacité, et mais c'est une incapacité de longue durée, comment est-ce qu'il fait? Il ne peut pas jeûner les malades. Tayyib, comment il fait dans son cas, lui? Il rompt son jeûne, il ne jeûne pas. D'accord? Mais chaque jour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nourrir un pauvre. Yuftir wa yut'im an kulli yawmin miskina. Tayyib, chaque jour, cette personne-là, elle ne jeûnera pas, car elle n'a pas la capacité, mais elle devra nourrir un pauvre. Donc celui qui a une maladie de courte durée ou un empêchement, il ne jeûne pas, mais il rattrapera après Ramadan, sans nourrir de pauvres. Par contre, celui qui est malade, une maladie de longue durée, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne jeûne pas, mais chaque jour, il doit nourrir un pauvre. Chaque jour, il doit nourrir un pauvre. Et le mois de Ramadan, il ne peut pas sortir de deux choses. Soit c'est 29 jours, soit c'est 30 jours. Pourquoi? Parce que c'est des mois lunaires. Ashhur Qamariya. Tayyib, il n'y a pas 31 jours, il n'y a pas 28 jours. Soit c'est 29 jours, Shahrun Naqis, soit c'est 30 jours, Shahrun Kamil. Donc lui, soit il va nourrir 29, soit il va nourrir 30 personnes dans le besoin. قال الله سبحانه وتعالى وعلذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب. Donc, ce verset-là, au début, c'était quand on avait le choix entre le fait de jeûner et le fait de nourrir un pauvre. Avant, le jeûne, c'était pas comme aujourd'hui. Avant, on avait le choix. Au tout début, on a ordonné le jour de quoi? De Ashura. Avant, au début, on devait jeûner un seul jour. C'était le jour de Ashura. طيب كم من الحديث معاوية إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن الله أمركم في يومكم هذا في ساعتكم هذا أن تصوموا. Allah vous a ordonné de jeûner ce jour. C'était quel jour? C'était le jour de Ashura. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé cela et a ordonné aux musulmans de jeûner le mois de Ramadan. على التخير. On avait le choix, soit on jeûnait un mois, soit on jeûnait na'am. Et soit on devait nourrir un pauvre. Tu avais le choix. Soit tu jeûnais. Soit si tu ne voulais pas jeûner, mais tu avais la capacité, alors à ce moment-là, tu devais nourrir un pauvre pour chaque jour. Ensuite, Allah a abrogé cela. فَقَالَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. C'est devenu obligatoire pour tout le monde. Et cela, c'est resté pour qui? Pour celui qui n'a pas la capacité de jeûner. Comme qui? Comme celui qui est vieux. La personne âgée qui n'a pas la capacité de jeûner, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit nourrir un pauvre chaque jour. Comme qui? Comme celui qui a une maladie de longue durée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nourrir un pauvre chaque jour. Amma kayfiyatul it'am, tayyib, al-amru wasi', al-amru fi wasi'. Pour nourrir un pauvre, tu fais comme tu veux. Soit, chez toi on prépare de la nourriture, ensuite tu invites des gens et ils mangent. D'accord? Jour après jour. Aujourd'hui tu n'as pas jeûné, tu invites quelqu'un et il mange. Demain également, et après-demain jusqu'à la fin du mois. Soit qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes de la nourriture qui n'est pas préparée. Par exemple, 1 kilo de pâtes avec quelques légumes, et tu lui donnes dans la main comme ça. D'accord? Un repas, tayyib, tu sais qu'il sera rassasié. Donc tu sais qu'il sera rassasié. C'est ça. Tu peux faire ça jour après jour, ou bien tu peux attendre par exemple une semaine et tu réunis d'un coup 7 personnes. Tu peux faire ça aussi. Tu réunis, t'invites 7 personnes et un plat et ils mangent jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Ça te compte pour 7 jours. Vous avez compris? Ça te compte pour 7 jours. Ou bien t'attends 15 jours. T'attends 15 jours et tu nourris 15 personnes en même temps. Tu fais plusieurs plats et tu les nourris 15 personnes. Ou bien t'attends la fin du mois. Ou bien t'attends la fin du mois. Donc t'as le choix. Soit tu fais jour après jour, soit tu fais cela de manière groupée. D'accord? Et la nourriture aussi, t'as le choix. Soit tu prépares chez toi, ils viennent manger chez toi, et ça c'est la meilleure chose. Soit tu leur donnes comme cela, et cela est permis. Par contre, tu peux pas donner de l'argent. Tu peux pas donner de l'argent. Non. Allah t'a dit de nourrir des pauvres. T'as dit de nourrir des pauvres. Si tu lui donnes de l'argent et lui, il va payer son loyer, c'est bon? C'est pas bon. Tu dois nourrir la personne. Tu dois nourrir la personne. Par contre, tu peux venir dans un restaurant, t'as dit, et le sandwich, il coûte 6 euros avec les frites et ceci et cela. Tu viens, tu l'invites et il mange et tu payes. Ça, ça compte un jour. Avec ça, t'auras dédommagé un jour. Tu peux inviter 5 personnes et tu leur payes et ils mangent. Ça, il n'y a pas de problème dans cela. Donc la façon de nourrir, يعني الأمر فيه واسع. طيب. L'avant-dernière condition, الإقامة, le fait d'être résident. فالمسافر لا يجب عليه الصيام. La condition suivante, c'est quoi? Le fait de ne pas être en voyage. Celui qui est résident, il n'est pas en voyage, il est obligé de jeûner. Par contre, celui qui est en voyage, il n'est pas obligé de jeûner. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَالْمُسَافِرُ يَفْعَلُ مَا أَرَادَ إِنْ أَرَادَ صَامَ صَحَّ صَوْمُهُ وَإِنْ أَرَادَ أَفْطَرَ. طيب, le voyageur a le choix, il fait comme il veut. S'il veut jeûne, s'il veut jeûne pas. Et si jeûne, son jeûne, il est bon. D'accord? Mais maintenant, c'est quoi pour le voyageur? C'est quoi le mieux? Est-ce que le mieux, c'est de jeûner, ou le mieux, c'est de rompre son jeûne et de rattraper ensuite? Tayyib. Certains savants ont dit, le mieux pour lui, c'est de ne pas jeûner. Le mieux pour lui, c'est de ne pas jeûner. Wa hadha qawlu al-hanabila. Qalu as-sawm fi haqqi makruh. Li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ليس البر ماذا السفر الصيام في السفر ليس من البر وقال آخرون وهم الشافعية الصوم في حقه أولى لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. D'autres ont dit c'est mieux qui ne jeûne pas. طيب لا عفوا ça c'est une preuve aussi pour le Hanabila. Ceux qui ont dit que le mieux c'est qu'ils jeûnent pas. D'accord? Ils ont utilisé ces deux preuves là. Ça fait pas partie de la piété de jeûner en voyage. Et le deuxième hadith, Allah aime que vous preniez ces facilités, tout comme il déteste que vous commettez les interdits. Donc ils ont dit le mieux c'est de pas jeûner. D'autres, ils ont dit le mieux c'est de jeûner. Al-Shafi'i, ils ont dit le mieux c'est de jeûner, car le prophète a jeûné en voyage. Car le prophète a jeûné en voyage. Et avec cela, il se sera déchargé de sa responsabilité. Et on ne sait pas demain ce qui va se passer. Peut-être qu'il va tomber malade. Tayyib. Peut-être qu'il sera plus faible. Donc le mieux, c'est qu'il jeûne. Wa sahih fi hadha et tafsil. L'avis le plus plausible et le meilleur, c'est quoi? Ni de dire qu'il doit jeûner, c'est mieux. Ni de dire qu'il ne doit pas jeûner, c'est mieux. Mais de dire, ça dépend. Ça dépend de sa situation à lui. Al afdal lahu an yaf'al al aysar lah. C'est quoi le mieux? C'est qu'il fait ce qui lui est le plus facile. Il fait comme il veut, comme ça lui est facile. S'il sait qu'en voyage, il n'est pas occupé, et il est en vacances, taïb, et qu'il a la capacité de jeûner, que ça ne va pas être trop dur, il sait que s'il repousse ce jeûne-là, il sera en train de travailler, et il fait chaud, et ainsi de suite, le mieux c'est qu'il jeûne directement. Le mieux c'est qu'il jeûne directement. Et si c'est trop difficile pendant son voyage, le mieux c'est qu'il ne jeûne pas. Et il rattrapera un nombre de jours égal. Donc c'est quoi la meilleure solution? C'est de faire ce qui est le plus facile pour toi. Ce qui est le plus facile pour toi, c'est ça la meilleure solution. Car Allah, il veut pour toi la facilité. Allah, il aime pour toi la facilité. Et il n'aime pas la difficulté. Maintenant, si quelqu'un vient et nous dit, moi c'est pareil moi. Que je jeûne maintenant ou plus tard, c'est la même chose pour moi. On lui dit, alors jeûne maintenant, c'est mieux. Jeûne maintenant, c'est mieux. Pourquoi? لأن هذا أبرأ للذمة. ثانيا لو صام لصام في شهر رمضان وشهر رمضان أفضل وأشرف من الأشهر الأخرى ثالثا لو صام في شهر رمضان صام مع الجماعة وهذا أيسر. طيب دونك si ça lui est égal, le mieux pour lui c'est de jeûner pendant qu'il est en voyage. Pourquoi? Parce qu'il se sera déchargé plus rapidement de sa responsabilité. Deuxièmement, parce qu'il aura jeûné pendant le mois de Ramadan. Il n'aura pas attrapé Ramadan en dehors de Ramadan. Et le mois de Ramadan, il est plus béni. Il est plus béni que les autres mois. C'est le meilleur des mois. C'est le mois le plus béni. Donc toi, tu auras jeûné pendant Ramadan. Et c'est mieux de jeûner pendant Ramadan que de rattraper en dehors de Ramadan. Voyez. Aussi, il aura jeûné avec le groupe. Et quand tu fais la ibada en groupe, c'est plus facile. Tu vois tout le monde en train de jeûner. C'est plus facile de jeûner avec eux. Par contre, quand tu vas rattraper, tout le monde sera en train de manger. Ce sera peut-être plus difficile. Ce sera peut-être plus difficile. طيب. وإن كان في الصوم مشقة وهو مسافر الأفضل له أن يفطر. Et celui qui est en voyage et c'est difficile, le mieux pour lui c'est de pas jeûner. C'est de rompre son jeûne. C'est de rompre son jeûne. Et celui qui jeûne pas, il doit pas faire des reproches à celui qui jeûne. Et celui qui jeûne, il ne doit pas faire des reproches à ceux qui ne jeûnent pas quand ils sont en voyage. Car les compagnons ont dit, on était en voyage avec le prince sallam. Certains ils jeûnaient et certains ils jeûnaient pas. Celui qui jeûnait ne faisait pas de reproches à celui qui ne jeûnait pas. Et celui qui ne jeûnait pas ne faisait pas de reproches à celui qui jeûnait. Pourquoi? Parce que c'est une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour rattraper, tu auras un an. Tu n'es pas obligé de tout rattraper. Si tu veux, tu jeûnes 3 jours dans le mois. Si tu veux, tu jeûnes un jour, tu rejeûnes pas un jour. Si tu veux, tu jeûnes les jours de pleine lune. Si tu veux, tu jeûnes le lundi et le jeudi. Tu as le choix dans tout cela. Et la dernière condition pour que ce soit obligatoire, el khulu'u min al hayd wa an-nifas. Cette condition est propre à la femme. Pour que ce soit obligatoire, elle ne doit pas avoir ni ses menstrues, ni les lochis. Les menstrues, c'est les règles, c'est connu. Et les lochis, c'est quoi? C'est le sang qui sort chez la femme après l'accouchement. Après l'accouchement, il y a un écoulement de sang chez la femme, on appelle ça en nifas. Tayyib wa hiya nifasa. Donc, cela s'appelle les lochis. C'est le sang qui sort après l'accouchement de la femme. As-siyamu fi haqqiha ghayru wajib. Bel yahrum. Yahrum. La yajuz. Donc, la femme, quand elle est en période menstruelle ou lorsqu'elle a ses lochis, elle ne jeûne. C'est pas obligé qu'elle jeûne. Et c'est même interdit. C'est interdit que la femme jeûne. Si elle fait ça, elle prend un péché chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha tahurat alayha al-qada. Et lorsque ses menstrues s'arrêtent ou lorsque les lochis se terminent, elle devra rattraper. Elle devra rattraper. Tayyib, qalat Aisha, kana yusibuna dhalik, ay al-hayd, fa nu'maru biqada'i as-sawm wa la nu'maru biqada'i as-salah. Aisha radhiyallahu anha dit, lorsqu'on était touché de cela, c'est-à-dire des menstrues, on nous ordonnait de rattraper. C'est-à-dire, on jeûnait pas. Et on devait rattraper les jours de jeûne. Mais on nous ordonnait pas de rattraper la prière. Donc la femme qui a ses menstrues, elle doit rattraper les jours de jeûne. Elle jeûne pas. Et elle rattrapera un nombre de jours égal. Mais elle rattrape pas la salat. La femme qui est en menstrues, on lui dit pas de compter tout ça et elle rattrape après. Non. Mais elle rattrape seulement, maada, elle rattrape seulement les jours de jeûne, na'am, qu'elle n'a pas jeûné. Taïb, les jours de jeûne qu'elle n'a pas jeûné. Taïb. On va conclure sur cela, Inch'Allah. Taïb. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on verra Al-Mufattirat. Taïb, Al-Mufattirat. Pour que ce soit pas trop lourd sur vous, Inch'Allah. On fait cela en plusieurs fois. Comme ça, on comprend bien Ahkam Ramadan, les règles. Aussi, on verra le comportement obligatoire pendant Ramadan et le comportement surrogatoire. On verra celui qui rate un jour, qui a le droit de couper son jeûne. Alamen yabihu lahu al-fitr. Qui a le droit de couper son jeûne? Qui n'a pas le droit de couper son jeûne? Tayyib, petit à petit, inshallah. Lianna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul talibu al-ilm faridatun ala kulli muslim wa anta ma khuliqta illa لإخلاص الدين لله رب العالمين فكلما أمرك الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تتفقه فيه كي تعبد الله على بصيرة. طيب كي تعبد الله على بصيرة. وهذا لا يختص بالصيام بل في جميع العبادات. طيب donc on doit apprendre notre religion Car Allah nous a créé pour l'adorer seul sans rien lui associer. Toi, quand Allah t'a ordonné de jeûner, il t'a ordonné aussi d'apprendre comment tu vas jeûner. Tu ne peux pas adorer Allah sans savoir comment tu vas faire. On t'a ordonné de faire la salat. Tu dois apprendre quels sont, c'est quoi les piliers, quelles sont les conditions, qu'est-ce qui annule ta salat, si tu te trompes, comment tu corriges, tout ça est obligatoire. Donc là, étant donné qu'on est dans le mois de Ramadan, inshallah, il nous faut apprendre comment on va jeûner. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande l'aide dans l'apprentissage de notre religion. Et on nas Allah subhanahu wa ta'ala an yufaqqiha an yu'allimana ma jahilna wa an yassira lana as-siyama wal qiyam. Allahumma inna 'ala as-siyami wal qiyam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Innaka antas samii' mujibud da'awat. Allahumma salli wa sallim 'ala mab'uuth rahmatan lil 'alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil 'alamin.